France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, 150e épisode. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 15 février 2009, 11h05. Bonjour à toi, l'ami! Ce matin, dans Panique au Mangin Palace, avant tout, tu es totalement accablé par les 54 milliards d'euros qui vont être redistribués aux actionnaires du CAC 40. Mais bon, heureusement, tout le monde va en profiter. Service à programme, bonjour. Oui, ça y est, c'est officiel, le chômage a augmenté. Oui, ça y est, c'est sûr. Ah ben, enfin, des chiffres positifs. Ben oui. Voilà. Superbe. Oui, bon bah, tu l'as bien compris, l'ami. Ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama, modeste mais déjanté. Eh bien, comme d'habitude, nous commencerons par notre espiègle office, laïque et freudien, durant lequel ce matin, nous constaterons comment Zoltan a décidé désormais de flanquer des médiateurs partout. Dans la foulée, justement, direction Pointe-à-Pitre, où nous te dévoilerons les coulisses de la curieuse médiation entre l'agité secrétaire d'État à l'outre-mer et les Guadeloupéens en colère. Ensuite, nous découvrirons ce mystérieux vendredi 13 qu'ont vécu avant-hier nos joyeux fantômes de l'INA, une soirée aux frontières de la superstition que nous t'offrirons avec délectation. Immédiatement après, direction Grosboule-les-Bains, où nous te raconterons comment Monique et Jean-Claude, excédés par la goinfrerie du CAC 40, ont décidé de poursuivre leur lutte anti-crise en se prêtant aux tests de médicaments rémunérés. Et puis, hier, c'était la Saint-Valentin. Et pour éviter toute niaiserie, notre facétieux reporter a enfin découvert le sens réel de cette fête sous l'Ancien Régime. Formidable. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Mais attention, monte vraiment le son, car à la demande générale, revoici AC/DC sur France Inter, en route pour l'enfer. Yeah! Highway to Hell, l'autoroute pour l'enfer, c'est celui que nous proposaient Angus Young et AC/DC en 1979. Remarque, aujourd'hui aussi, nous sommes sur le bon chemin, question précipice, non? Mais bon, rassure-toi, car pour nous sortir de la mouise, Zoltan et notre premier ministre ont un plan d'enfer. Ne crains rien, caporal, j'ai un plan, le meilleur de tous, celui qui consiste à ne pas en avoir. Bon, ben, puisque personne n'a de plan pour contraindre les actionnaires du CAC 40 à partager leurs 54 milliards de bénéfices, eh bien, à 11h12, mon ami, je te propose plutôt de te vautrer confortablement afin que nous amorcions tous ensemble les modestes aventures de ce 150e épisode du Mangin Palace. Et, comme l'exige notre protocole, débutons par notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fieffé sacripant de nos coursives, avec qui nous poursuivons inlassablement notre traque à l'inconscient au cœur du discours politico-médiatique du moment. Ainsi, nous allons découvrir ici ce matin comment Zoltan gère désormais l'incendie social. Oh, c'est très simple, tu vas voir, il nomme systématiquement un gentil médiateur. Allez, en route, maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Merci d'écouter France Inter et grand bonjour à Frédéric Pommier. Grand bonjour à Nicolas Demorand, bonjour à tous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Politique, ça. Allez, on y va, d'accord pour la comédie politique. On a le choix pour les personnages ? Vous avez le choix pour le personnage. Allez, on y va avec une femme. Et c'est donc Valérie Pécresse. Ah. Sur l'injonction de son supérieur, la ministre veut réformer le statut des enseignants-chercheurs. Une chose me tracasse malgré tout. Je n'ai pas très bien compris ce qui était arrivé pendant cette opération. Mais les intéressés ne veulent pas. Hier, ils ont manifesté un peu partout en France. Ils refusent des universités et des labos soumis à la loi de la concurrence. Je sais ce qui pourrait t'aider à résoudre tous ces problèmes importants. Les enseignants-chercheurs ne se contenteront pas d'une médiatrice. Tout le monde a la trouille de venir dans cette pièce pour récupérer son manteau. Alors, je me suis dévouée. Contestation de la réforme de l'hôpital, dites loi Bachelot. Bonjour, je ne me sens pas dans mon assiette. André Grimaldi, bonjour, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. En ce qui concerne l'hôpital, nous sommes tout à fait opposés à cette loi qui applique le concept d'hôpital-entreprise. L'hôpital devrait être géré comme une entreprise, c'est-à-dire une entreprise rentable. J'ai aussi d'horribles maux de tête. J'ai très mal aux articulations. En médecine, vous devez faire le juste soin, tout ce qui est nécessaire pour le malade, mais vous devez le faire au juste coût. C'est-à-dire qu'il est inadmissible de prescrire un médicament plus cher que l'autre à efficacité identique. Il est inadmissible de faire ce que l'on voit faire maintenant. On fait deux actes, ça fait deux fois plus d'argent. On est bien dans un hôpital ici. Veuillez vous diriger vers la salle des diagnostics sur votre droite et vivez sainement. Merci. Merci. Salut les jeunes. Nous devions vous voir de toute urgence. Nous sommes envoyés par notre sage et omnipotent leader, Zoltan. Une visite donc surprise à Bagdad, car le secret avait été bien gardé et Nicolas Sarkozy, pour des raisons de sécurité dit l'Élysée, n'avait prévenu que les dirigeants irakiens. Comment peux-tu faire confiance à un homme pour lequel un endroit romantique et une forteresse imprenable sont une seule et même chose ? Le président de la République, accompagné de Bernard Kouchner et d'Hervé Morin, s'est entretenu donc ce matin avec le président Talabani à Bagdad. Il s'agit pour la France d'appuyer le processus de pacification en Irak. Nicolas Sarkozy veut également un renforcement des échanges entre Paris et Bagdad. Même s'il revient, tu crois que son plan ne va pas se résumer à s'asseoir dans le noir en mangeant des cacahuètes ? En Guadeloupe et maintenant en Martinique, depuis 3 semaines, il y a des grèves pour dénoncer la vie chère. Le secrétaire d'État à l'Outre-mer... C'est quoi l'embrouille là ? Vous n'allez pas me dire que ça sent pas le piège à con ? ...s'y est rendu une première fois avant de revenir à Paris, puis de repartir sur place, flanqué de 2 médiateurs. Il est de retour à Pointe-à-Pitre. On dirait surtout que t'as perdu tes couilles. Et en Guadeloupe, François Chérec, quelle sortie de crise ? En Guadeloupe, honnêtement, je la vois pas. Les éléments économiques du pouvoir en Guadeloupe sont aux mains d'une minorité descendante des esclavagistes d'il y a 2 siècles. C'est-à-dire que ce sont des blancs riches qui dominent l'économie de Guadeloupe. Et là, on a un problème de fond qui est historique aux Antilles, qui ne sera pas réglé. Il y a un problème de répartition des richesses. Le gouvernement nous fait des leçons sur la répartition des richesses. Avant tout, je pense qu'il serait judicieux que je vomisse. Oui, voilà 4 semaines que nos concitoyens guadeloupéens sont en colère car ils ne supportent plus que tous les leviers de l'économie insulaire appartiennent encore au béquet Ces ancêtres blancs de la colonisation pour qui donner du travail aux gens aujourd'hui, c'est déjà une faveur. Alors forcément, la grogne sociale de Pointe-à-Pitre est tout à fait légitime. Et pourtant, tout le monde fut surpris le 5 février dernier que Nicolas Sarkozy n'évoque absolument pas la Guadeloupe lors de son intervention télévisée. Et pour cause, car ce n'est que le lendemain, après avoir convoqué François Fillon, que notre président a découvert l'ampleur de la situation. Vous servez quoi ? Mes intérêts ou les vôtres ? Vos intérêts sont les miens. Pourquoi ne pas m'avoir informé qu'une partie du territoire national est entrée en rébellion contre l'autorité de la France ? Vous le savez, vous ne me le dites pas, pourquoi ? Aucune région de France n'est entrée en rébellion, que je sache. Ah oui. Et ça, la Guadeloupe ? Guadeloupe. Pourquoi ne pas m'avoir informé ? La Guadeloupe est une petite, toute petite colonie. Petite, petite. Depuis une semaine, tous les jours, je suis littéralement assiégé par des colons qui me demandent d'intervenir. Même ma femme n'arrête pas de s'en mêler. En voulant vous faire croire qu'il y va de votre gloire de rétablir l'ordre ancien dans les îles, ce qu'ils souhaitent en vérité, c'est le retour à l'esclavage. Oui, bon ben, primo, Monsieur Sarkozy ignorait l'existence de la Guadeloupe, là. Et secondo, devant un tel risque d'embrasement alors même que le contexte social en métropole lui est très défavorable, notre président était réellement fou furieux que son premier ministre ne lui ait pas exposé réellement le danger de cette situation, surtout en termes d'image, merde. C'est pourquoi très vite, le lendemain, M. Sarkozy a décidé de faire le point avec celui que le gouvernement appelle quand il n'est plus capable de trouver des solutions à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Gégaud. Yves, on a un problème à Mayotte. Ok, Gégaud. Yves, on a un problème en Guadeloupe. Ok, Gégaud. Yves Gégaud, dès qu'il y a une île et qu'il fait beau, il y go. Ainsi, notre capitaine Flamme, Yves Gégaud, secrétaire d'État à l'Outre-mer, a été chargé de s'installer en Guadeloupe pour trouver une issue rapide à cette crise sociale. Seulement voilà, dès le lendemain, dès son arrivée sur l'île, son directeur de cabinet, également présent sur place, fut un peu inquiet de trouver M. Gégaud sur la plage. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Quelle heure il est ? 11h. T'as dormi là ? T'as pas trouvé ta case ? Mais si, mais mon collègue avec un mec qui ronfle. Au bout de 2 heures, j'en ai eu marre de siffler assis sur mon lit, je suis venu dormir là. Hein ? Marc, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'étais attaqué par des bestioles. Oui, ils sont plutôt inoffensifs ici. Ah, tu pars, je vais te montrer mes bras, tiens, j'étais bouffé par les moustiques. Après ça, j'ai un lézard qui est rentré dans le sac. Je vais me faire rapatrier par Europe Assistance, moi ça va pas faire un pli, tu vas voir. T'emballes pas, tu viens juste d'arriver. Mais je m'emballe pas, je peux pas supporter le soleil, alors. Ce que j'aime, c'est les climats un peu humides, tu vois, la Normandie, l'heure. Tu vas pas rester là-dedans toute la journée. Va te tremper, t'as besoin d'un coup de fouet, t'es tout cyanosé. Certes, le séjour de M. Gégaud commençait plutôt mal. Mais bon, très vite, notre secrétaire d'État a repris du poil de la bête et... Après quelques jours d'acclimatation en Guadeloupe, il a réussi à proposer aux partenaires sociaux 132 mesures, dis donc, avec notamment une baisse du prix des carburants, une augmentation de 200 euros pour les plus faibles salaires et l'instauration dans l'archipel dès 2009 du revenu de solidarité active. D'ailleurs, le samedi soir, pour célébrer toutes ces avancées, le staff euphorique de M. Gégaud décida d'organiser un dîner avec certains élus de la Guadeloupe. Notons que ces derniers, très hospitaliers, avaient expressément demandé à préparer eux-mêmes le repas. Quelqu'un reprend des sushis, là oui. C'est terrible en France. C'est fou. Mais il y a des gens qui ne peuvent même pas se payer un beefsteak. Ils ont qu'à acheter du poisson. Mais en tout cas, c'est délicieux. Merci. C'est un plat typique de chez vous ? Ah non, pas du tout. Non, mais je suis pas né dans les îles, moi. Je suis de Paris. Ah bon ? Oh, t'as bien un petit chromosome avec un os dans le nez, hein ? Non, c'est de l'humour, ça. C'est de l'humour. Certes, humour d'un des joyeux béquets invités à ce dîner. Belle ambiance de conne, donc. Cependant, dès le lendemain, le dimanche 8 février, il y eut un sacré coup de théâtre. On commence par le retour surpris du secrétaire d'État à l'Outre-mer. Yves Gégaud, qui devait rester en Guadeloupe jusqu'à la fin de la crise, est rentré précipitamment à Paris. Bon, alors, ton séjour, raconte. Ça chauffe là-bas, hein. Ça chauffe ? T'as quand même pris le temps de te payer un collier en dents de requin. Il est sinistre, ce collier, j'adore. Ah, fais pas des dents de requin. fait mes dents. J'ai pris un pavé. Du coup, pour pas les perdre, t'en ai fait un collier. Mais on comprend qu'il soit rentré plus vite que prévu. Eh oui, retour précipité de M. Gigot en métropole, officiellement pour rendre compte de son travail au Premier ministre, qui très vite a fait comprendre à son secrétaire d'État, raison officieuse pour laquelle il a été rappelé à Paris, qu'il était hors de question que le gouvernement mette la main à la poche pour subventionner ces 132 mesures-là. Traduction, ils n'ont qu'à se démerder entre eux. Oui, sauf que M. Gigot, lui, il a donné beaucoup d'espoir aux grévistes guadeloupéens et, bien entendu, il n'a pas dit aux patrons esclavagistes là qu'ils allaient devoir raquer. Résultat, grosse boulette de M. Gigot. Et quand Nicolas Sarkozy a découvert cette embrouille, rebelote, fou furieux pépère. C'est pourquoi il a immédiatement ordonné à M. Gigot d'y retourner, flanqué cette fois de deux médiateurs et avec des consignes bien précises que M. Gigot a exposées dès son retour en Guadeloupe. Le premier consul Bonaparte m'a envoyé ici pour rétablir l'ordre. Et j'entends le faire vite. Les guerriers que je vous amène ont vaincu l'univers par leur obéissance. Obéissez ! Mon intention et de me rendre dès demain matin à la Basse-Terre, où je suis bien aise de vous avoir près de moi. Et j'ai ordonné que vous embarquiez de suite sur des frégates. J'attends de chacun de vous une obéissance sans faille, et je ne tolérerai aucun débordement d'aucune sorte. Ensemble, nous pourrons alors ramener la paix civile en Guadeloupe. Vive la République ! Vive la France ! Grosse ambiance à Pointe-à-Pitre. Imagine la tronche des grévistes. 3 semaines de grève pour s'entendre dire au final « Bon, les mecs, on s'est un peu gouré et on va tout remettre à plat avec 2 facétieux médiateurs. » Alors évidemment, excédés par ce mépris, les leaders guadeloupéens du mouvement social ont eu quelques idées pour cuisiner notre secrétaire d'État à l'Outre-mer, M. Gigot, de retour sur l'île. Comment fait-on pour faire un bon gigot ? Un gigot, vous le prévoyez pour 8 à 10 personnes en principe. C'est cela, oui. Eh bien, un bon gigot, vous le cuisez pendant... Il faut compter 20 à 22 minutes par kilo. Bien, vous piquez ce gigot avant de le mettre à cuire d'ail ? Oui, près du manche, toujours. Dans la partie appelée la souris. Mettez-vous un peu de matière grasse sur ce gigot ? Oui, je l'arrose d'huile, tout simplement. Un brin trouillard, ce gigot, donc, s'est à nouveau enfui de la Guadeloupe pour se réfugier à Paris, laissant sur place ses 2 médiateurs pour qu'ils trouvent enfin une solution. Depuis... Tout est bloqué, bien sûr, et demain, nous entrerons dans la 5e semaine de grève consécutive. Autant de jours non payés pour les grévistes, c'est dur à avaler. Mais bon, pour finir, conscient de l'importance de cette détresse sociale, le 7-10 de France Inter était en direct de Pointe-à-Pitre avant-hier, où Nicolas Demorand, notre Nico, a découvert l'hospitalité et la beauté de nos chers concitoyens guadeloupéens à qui nous dédions cette émission ce matin. Au passage, on n'a plus de nouvelles de Demorand. 7-10 spécial, en direct de Pointe-à-Pitre, sur France Inter. Allez, retour donc en Guadeloupe pour la suite de ce 7-10 spécial. Un mot juste pour vous dire... Il y a des filles sur le port, si belles et si gentilles, tout sourire dehors, sentons la vanille, est un homme né pas de bois. D'un œil tendre, si tu veux le garder pour toi, donne-lui sans attendre. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac, mais surtout du rhum, mon vieux. Non, mais tu verras comme il t'aimera. France Inter, le 7-10, Nicolas Demorand. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac, donne du rhum à ton homme, et tu verras comme il t'aimera. Tout le tonneau de rhum. I wanna be rich and I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and I want loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, 'cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. No. life's about film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter, cause I'm packing plastic. And that's what makes my life so fantastic. And I am a weapon of massive consumption. And it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror. I'm on the right track, yeah, we're on to a winner. I don't know what's right and what's real anymore. And I don't know how I'm meant to feel anymore. When do you think it will all become clear? Cause I'm being taken over by the fear. The Fear, autrement dit la peur. C'est ce que ressentent ici Lily Allen sur son dernier album intitulé It's Not Me, It's You. Ce n'est pas moi, c'est toi. Sans doute l'écho d'une vieille peur de Lily Allen. Dites-moi, Brica, oui, vous avez mangé du saumon périmé? Non, pourquoi? Non, non, pour rien. Alors, après avoir revisité entre grève créole et manche à gigot, les événements qui secouent, de manière légitime, les départements d'outre-mer, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent à 11h28, sa singulière séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, tu l'as bien repéré, cette semaine, pour les plus chanceux, il y avait le vendredi 13, pour rencontrer le grand amour, et ensuite gagner au loto, suivi du samedi 14, la Saint-Valentin, là, pour tout claquer avec son coquin ou sa coquine. Mais cette semaine, figure-toi que ce vendredi 13 a également provoqué d'étranges effets au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, là où habite notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives. Alors tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, on n'a pas eu de chance. Vendredi soir, nos locaux sont devenus le théâtre d'une étrange messe noire. Et on a eu très peur. À Paris, et depuis quelques années, chaque vendredi 13, une bande d'individus, très fréquentables, j'en suis, mais assez exigeants quant au choix de leur fréquentation nocturne, ont coutume de se réunir pour manger un peu, boire beaucoup et converser énormément. Okay, s'il vous plaît, un tea. Telle est la formule secrète qui peut faire de vous un gagneur lors de la semaine de la chance. Mais attention, il faut la répéter plusieurs fois et dans un tabac. Qu'est-ce s'il vous plaît un ticket, qu'est-ce s'il vous plaît un ticket, qu'est-ce s'il vous plaît un ticket, qu'est-ce s'il vous plaît un ticket, qu'est-ce s'il vous plaît un ticket. Vous voyez, ça commence à marcher. Cette semaine, vendredi tombe un 13. La Française des Jeux vous rappelle que c'est la semaine de la chance. Alors tous les gens présents ont été pris d'une irrépressible envie de jouer au loto. Heureusement, Georges Simenon nous a ramenés à la raison. Est-ce que vous êtes, par exemple, superstitieux ? Non. Mon Dieu, je suis né un vendredi 13. Ça me fait plaisir. Je considère que le 13, c'est un jour. Mais enfin, ce n'est pas parce que je prends un 13 des billets de la tombola que je gagne. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Mais l'obscurantisme régnait encore parmi nous. C'est peut-être idiot, mais beaucoup de gens sont superstitieux. Écoutez plutôt Evelyne Leclerc, la populaire animatrice de Tournée Manège au micro de Frédéric Barrère. Je me souviens d'avoir vécu des vendredis 13 importants, à savoir mon entrée à TF1 vendredi 13, tournée manège et tournée sur le studio 13 pendant des années. Tourner la roue de la fortune, tourner la roue du sort. Pour Marie-Laure Colonna, c'était clair. Cette histoire allait tourner mal. Ça arrive assez souvent, je trouve. Des gens qui voient des coïncidences partout. C'est assez à la mode en ce moment. Si ça va trop loin, ça relève d'une pathologie bien précise qui s'appelle la paranoïa. Il faut se méfier de soi-même et des circonstances quand on commence à les trouver trop parsemées de coïncidences signifiantes. L'air effrayé, Claude Lelouch s'est levé pour nous prévenir qu'il fallait arrêter d'en parler, sans quoi vendredi 13 allait se venger. Je veux dire, il ne faut jamais aller au-devant des superstitions, il ne faut jamais les provoquer, jamais, jamais, jamais. Elles ne supportent pas ça, elles n'aiment pas ça. Deux, trois fois, j'ai essayé justement de me synchroniser avec le chiffre 13 et ça s'est très, très mal passé. Donc le chiffre 13 fait ce qu'il veut. Il est terriblement capricieux, il a des humeurs tout à fait inattendu. Donc je le laisse complètement faire. Je ne profite pas du vendredi 13. C'est lui qui décide. Et vendredi 13 a décidé de se manifester. Nous pouvons en terminer là avec cette liaison qui n'est pas... Vendredi 13, comment recevez-vous ? Oui, oui, bien, vendredi 13, on vous reçoit. Oui, oui, on vous reçoit assez bien, mieux que tout à l'heure en tout cas. Vendredi 13, oui ? Chance, pas de chance. Et à partir de là, tout a été bouleversé, même le journal télé. Je vous rappelle le titre principal de cette édition. Toto à la Tour Eiffel. Un jour à la Tour Eiffel... marche sur le pied d'un boxeur. Le boxeur lui dit « T'en veux un ?» Toto lui dit « Oui, il a un coquard. » Il téléphone à son père. Son père lui dit « T'as qu'à dire non, Toto remarche sur le pied du foxeur. » Et le foxeur lui dit « Ça, t'as pas suffi. » Toto lui dit « Non, il a un coquard. » Qui m'a filé ça ? Qui m'a filé ça ? Les têtes vont tomber, ça va chier. Merci beaucoup Flora Bernard pour cette exploration poético-burlesque pleine de superstitions au cœur de l'inattendu. Et maintenant, afin de poursuivre nos aventures, nous avons la chance de retrouver nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors bien sûr, toujours en direct du Mangin Palace à 11h33, rejoignons immédiatement Grosboul-les-Bains, notre fantasque village fleuri, où la fête des amoureux, sache-le, eh bien c'est tous les jours, et où nous attendent Jean-Claude, le Valentin, et Monique, le Saint. En effet, cette semaine, alors que nous sommes en pleine décrue de l'épidémie de grippe, et que celle de la gastro se grippe, notre pauvre Jean-Claude a chopé quelques microbes dans l'air. Pas de quoi réclamer un arrêt de travail, mais Jean-Claude a tout de même préféré se rendre chez le médecin, comme il l'a expliqué à ses collègues de bureau. Je suis allé chez mon toubib, vous voyez, pour qu'il me soigne d'un petit rhume et d'un léger mal de gorge, trois fois rien. Et le mec, pour ça, il a essayé de me refiler des suppositoires à l'eucalyptus. Non, parce que bon, sérieux, je veux dire, les suppos, c'est bon pour quand on est gamin, je veux dire, qu'on nous demande pas notre avis. Mais honnêtement, de vous à moi, les suppos... Je veux dire, une fois qu'on est adulte, hétéro, et qu'on a le choix. Alors moi, je suis désolé, mais moi, non seulement ça m'étonne, mais enfin, ce qui m'étonne encore plus, c'est le mec qui a pensé, quoi. Je sais pas, un mec très bien, certainement, il devait être chez lui, tranquillement installé dans son canapé, comme ça, il était là, il fait... Oula, dis donc. Tiens, j'ai le nez bouché et j'ai mal à la gorge. Et si je mettais un truc dans le cul ? Non, mais sérieux, je veux dire... Sérieux, quand t'as des hémorroïdes, tu te mets du baume à lèvres ? D'un coup, tous ses collègues deviennent perplexes. Et surtout, tout le monde pense à Chantal, la secrétaire du patron, qui passe ses journées à rajouter du gloss sur son baume hydratant. Mais Chantal leur explique que si elle rajoute sans cesse des couches de lubrifiant sur ses lèvres, c'est parce qu'elle est testeuse pour l'industrie cosmétique. Et là, soudain, Jean-Claude imagine un nouveau moyen pour lutter contre la guerre de récession, tester des produits pharmaceutiques et ainsi s'en fourrer plein les fouilles. Mais bon, l'une de ses collègues est outrée par cette vénalité. C'est la notion de don qui est importante, la satisfaction d'apporter sa contribution, c'est ça. Mais qu'est-ce que t'en penses ? Mais moi je suis d'accord, hein ? Il faut être altruiste, sinon on s'en sort pas. Mais oui, mais le don de sang, le don d'organes, si ça peut sauver, ben, il faut pas hésiter. Vous avez votre carte de donneur, hein ? Dans le cas où vous avez un accident, c'est ça ? C'est en cours, c'était en cours, j'ai fait la demande, là j'ai signé les papiers, là, moi je leur donne tout, moi. Je file tout, j'en ai rien à foutre, moi. Moi pareil, hein. Ouais. Moi, ils peuvent tout prendre, hein. Sauf le foie. Hein. Ça, c'est la faculté d'Amiens qui a mis une option de plus. Hein. Faut dire qu'il est spécial, je l'arrose tous les jours. Finalement, quand on fait ces démarches, un don du sang, c'est une formalité. Une broutille. Oui. Une broutille. C'est rien. C'est notre devoir. Qu'est-ce qui... Quoi ? C'est l'infirmière. Quoi ? Elle s'est énervée. Parce qu'elle trouvait pas la veine. Et, oui. Et moi, j'ai paniqué, je lui ai vomi dessus. Oh. Jean-Claude est terrorisé. Mais il ne veut pas perdre la face devant tous ses collègues. Il sait qu'il n'y échappera pas et qu'il est l'heure pour lui de passer dans le camion du don du sang. Je dois faire une piqûre. Une piqûre ? D'accord, mais pas sur la fesse. Je vous prie, j'ai déjà des tatouages. Vous comprenez ? Alors, au bras. Relevez votre manche. Voilà. Bien. Alcool. Là. La seringue. Et voilà. Pas douloureux? Absolument pas. Vous êtes un as. Oui, j'ai beaucoup lu les philosophes grecs. Ah oui, je ne saisis pas très bien, voyez-vous. Je suis un disciple d'Épicure. Ah, vous m'en direz tant. Ah, ben voilà, Jean-Claude exulte. Au moins, en faisant de petits tests cosmétologiques, il n'aura ni à supporter des bonnes blagues, ni à affronter le gros dard de l'infirmier de l'EFS, l'établissement français du sang. C'est ainsi que Jean-Claude déboule dans un laboratoire sous-traitant d'une multinationale de la beauté. Dans ce laboratoire, Jean-Claude est agréablement surpris de constater que sa candidature n'est pas prise à la légère. Vous pensez au risque ou vous n'y pensez pas ? Je pense que j'y pense comme tout le monde, mais je sais que c'est des doses... déjà c'est une dose... des doses croissantes, je me dis que même s'il y a des effets secondaires, ils seront minimes. En fait, c'est une façon de... J'allais dire, c'est un peu de la prostitution, parce que vous vendez, vous prêtez votre corps. C'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois, mais moi, je trouve pas, non. Je trouve que si on raisonne bien sur tous les paramètres et qu'on fait ça de manière éclairée, y a pas, ça n'a plus rien à voir avec de la vente du corps. Mais vous le faites d'abord pour raison personnelle, pour l'argent, hein, c'est bien ah oui, ça. Vous... Clairement, oui, je n'ai pas essayé pour... C'est clair, hein. Faire avancer la recherche, c'est secondaire. Franchement, un peu quand même, oui. Ah ben oui, hein. Jean-Claude, la recherche, ce n'est pas trop son affaire. Et s'il accepte de participer à des tests, c'est évidemment pour gagner de la maille. Et il est prêt à tester tous les crèmes. Celle de jour, de nuit, à épiler, raffermissante, fleurette ou encore pâtissière. Cela dit, Jean-Claude impose tout de même une condition à ses tests, ne rien avoir à avaler. J'en ai assez, je n'en peux plus. Des m'enfiler, des trucs dans les oreilles, dans le gosier. Je voudrais bien qu'un jour on cesse de me piquer dans les deux bras et les biceps comme des loups-gars. Je suis gentil, je suis très bon, mais faut pas me prendre pour un crétin. Et si un beau jour je m'énerve, je le dirai carrément zut. Mais Jean-Claude n'a pas le temps de dire zut que la batterie de test débute. Et effectivement, il n'a rien à avaler. Il consiste en quoi au juste le traitement que vous allez me faire ? C'est très simple en réalité. On va juste vous faire voir quelques films. Comme si on m'emmenait au ciné ? Oui, c'est un peu ça. Ça c'est chouette ! J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. Et j'ai dû en m'y rire jusqu'à plus soif. L'endroit où on me traîna, mes frères, n'avait rien d'assigné. J'étais bouclé dans une camisole de force, le gollywog serré dans un casque, avec des fils qui sortaient de partout. On me fixa des écarteurs de paupières, si bien qu'il m'était impossible de fermer les yeux. Tout ça me semblait idiot. Mais je les laissais faire à leur guise. Oh, mes frères. En effet, Jean-Claude laisse les testeurs faire à leur guise. Et ces génies s'en donnent à cœur joie. On va commencer par tester ce parfum expérimental. Ça brûle ! Ça brûle ! Ah ! Ah ! Ah ! Nous l'appellerons Brise du désert. Je suis aveugle ! Qui achèterait un produit qui rend aveugle ? Ça, c'est le problème du service marketing. Eh oui. Avec un joli emballage et une bonne campagne de pub, on est capable de tout faire passer. Un simple yaourt mis dans une petite bouteille devient un produit miracle et une crème industrielle avec le beau logo bio paraît artisanale. Ainsi, après cette journée rémunérée de tests cosmétiques, Jean-Claude est donc rentré tranquille chez lui, accompagné de ses nouveaux amis, rougeur, eczéma et capillarite purpurique. Voilà. Fin de l'histoire, Jean-Claude a donc testé un nouveau moyen de gagner de l'argent, mais il ne faudrait pas croire qu'il est égoïste dans le choix de ses tests scientifiques. Car figure-toi qu'à peine sorti du laboratoire, Jean-Claude a refilé le tuyau à un môme dans la rue. Classe, Jean-Claude. Il y a un mec qui est venu me demander si je voulais un job. C'est pour tester des médicaments ? Incroyable, non ? Il veut me payer pour avaler des tas de pilules. Comprimés, des gélules, suppositoires. Oh, ceux-là sont dégueulasses. Pourquoi se crever à faire autre chose ? Parce que c'est le genre de job qui peut te conduire à la morgue. Ouais, je sais, mais juste après la fin. Salut, mec. Oh, t'as pas l'air en forme. Tu veux essayer mon traitement du jour? C'est quoi tous ces trucs? Bah, normalement, j'écris mes petits soucis dans leur journal, du genre perte de conscience, hallucination, la routine, quoi. T'as des montées de lait? Non, pas tout le temps, mais en général, ça fait comme des petites boules de fromage. Dis, tu voudrais pas m'aider à le remplir? Mon stylo refuse d'écrire comme je veux. Oh, il faut que je me rase les pieds. Alors maintenant, toujours en direct du Manchin Palace à 11h42, après avoir découvert les curieux effets secondaires de ces tests de médicaments rémunérés à Grosboul-les-Bains, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré ce matin à la Saint-Valentin. Oui, hier, cela ne t'a pas échappé, c'était la fête officielle de l'amour. Et il se peut fort d'ailleurs que tu aies craqué le porte-monnaie. Cependant, notre facétieux reporter, toujours un brin mauvais esprit, nous a demandé en début de semaine « Mais bon sang, d'où vient cette fête tartignole dont personne ne parlait vraiment il y a moins de 20 ans ?» Monsieur Julien Dugast s'est alors lancé à la recherche des origines perdues de cette kermesse commerciale. Et figure-toi qu'il a rencontré monsieur Serge Chaumier, maître de conférences en sociologie à l'université de Bourgogne et surtout auteur de plusieurs enquêtes sur les comportements amoureux, justement. Ainsi, juste après la virgule, tu vas découvrir ici la signification réelle de la Saint-Valentin. Formidable ! Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite... petite fortune. Attends, oh, les filles, qu'est-ce qui se passe avec la Saint-Valentin? J'ai l'impression que ce jour-là, si on n'assure pas, on va perdre tous les miles qu'on a accumulés depuis le début de l'année. C'est quoi ce truc? Est-ce que la Saint-Valentin a toujours eu la signification qu'elle a aujourd'hui? Ah non, pas du tout. On peut même dire que c'est assez récent, finalement, puisque c'est une fête qui prend l'allure qu'elle a aujourd'hui, finalement, à la fin du 19e siècle. Et c'est pas une fête très commerciale. À la fin du 19e siècle, finalement, c'est une fête qui célèbre quelque chose qui est nouveau. C'est le fait de faire un couple par amour ou de se marier par amour. Chaque année, tu me dis ce que tu veux pour la Saint-Valentin. Tu me le dis tous les ans. Et voilà que cette année, tu me demandes de trouver tout seul ce que tu veux comme cadeau. On pourrait pas en discuter tout à l'heure. Ah oui, mais quand? Une fois que mon cadeau raté me fera passer pour un idiot et que ça, tu me le pardonneras jamais. Saint-Valentin, ça fait un peu partie de ces pères de l'Église qui sont évidemment... Jugé hérétique aujourd'hui. Toute l'année on vous donne, toute l'année on se donne, on vous aime, et vas-y, et fais-lui ça, et le jour de la Saint-Valentin, vous êtes comme ça, genre, on va voir s'il va oublier. Et donc, pour abolir la différence sexuelle, il faut avoir des relations, un peu débridées ou très, très nombreuses avec des hommes et des femmes. Et ça va donner, plus tardivement, au Moyen-Âge, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, ça va être finalement le moment où les femmes sont libres de s'afficher avec leur amant. Je t'ai acheté ça. Pour une mère sublime. Ouais, c'est parce que... Elles étaient pour ta mère? Ouais. Trop cool. On va parler des valentinages où on va dire que la femme sort avec son valentin ou son galantin, et c'est pas son mari, c'est son amant en réalité. Et donc la Saint-Valentin, au départ, c'est la fête des femmes franches, on va dire, ou affranchies de leur mari, celles qui peuvent finalement, pendant un temps donné de l'année, s'afficher dans leurs amours et pas simplement dans des relations de mariage qui sont des relations utilitaires à l'époque. Et nous, comme des cons, on a des arguments bidons, genre « Mais attends, chérie, c'est une fête commerciale !» Le mec, il a fait du business toute la journée et à 20h, Zermain, il devient un penseur anticapitaliste. Ou alors « Mais attends, mon amour, avec toi, la Saint-Valentin !» Pendant une journée, on va se faire son film un petit peu, ou jouer le couple fusionnel, replié sur lui-même, qui vit que l'un pour l'autre et qui n'existe que l'un pour l'autre. Tu sais, une fille, ça la rend nerveuse quand son mari est loin d'elle tout le temps. De quoi tu parles? De rien. Je disais seulement qu'une fille se sent seule quand son mari n'est pas là et qu'elle n'a rien pour la distraire. Finalement, surtout peut-être on peut se dire que c'est parce qu'on n'a pas tellement envie de le vivre le reste de l'année et que vivre avec une princesse ou un prince charmant qui serait sans arrêt collé à nous, ça serait vite insupportable et un peu étouffant. Moi, je l'ai fêté une seule fois, la Saint-Valentin, une seule fois de ma vie. J'ai voulu la jouer super classe, super élégant, gentleman. J'ai été dans un endroit très très chic, le genre de resto où tu vas jamais et où tu vas tellement jamais que quand tu y vas, t'as le trac, tu sais. Ah oui, c'est sûr qu'à l'origine, la Saint-Valentin, ce n'était pas franchement la même chose qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Au passage, sachez, chers amis, que M. Julien Dugast, soutenu par Mlle Flora Bernard et Mlle Claire-Sophie Collet, mais aussi par Messieurs Mauduit, Mutel, Lefayère, Beaujolais et Dupin, ont l'intention de créer un comité de salut public auquel je vais moi-même souscrire afin de militer en faveur d'un retour aux célébrations originelles de la Saint-Valentin. Bien sûr, je vous tiendrai informé des avancées de notre entreprise. Pour l'instant, notez simplement que nous avons décidé de placer notre comité sous le patronage laïque de Monsieur Marcel Achard. Marcel Achard a fait une conférence sur le thème de l'amour, de sa naissance. D'abord, ce n'est pas une expérience de chimie, a-t-il dit, mais un égarement sentimental. Il a parlé également des avatars de l'amour et de celui très grave de la jalousie. La femme jalouse est à la fois une malade et une espèce d'infirme. C'est une aveugle qui voit trop. C'est une folle intermittente qui a perdu la raison au milieu des cauchemars qu'elle avait elle-même inventés. Et c'est une malade incurable parce que la jalousie naît avec l'amour, mais ne finit pas forcément avec lui. Si bien qu'on peut parfaitement être torturé en octobre 62 par une femme qui a cessé de vous aimer depuis février 54. Ma chatte s'endort sur le sofa, je t'allume une cigarette. Je te mets un doigt de vodka et te suce sur des mots tout bêtes. Un désir de tendresse t'habite dans la gorge, j'ai comme un nœud. Je sens bien ton trouble et très vite je baisse ton front et tes yeux. Ah bien, ah bien, ah bien, prenons notre pied à terre pour unir et laissons-nous glisser. T'éclaire dans tes yeux, Kikette. Tu veux m'accueillir dans tes bras. Oh, tu peux me mettre, mon amour, ce vieux tube en fond sonore. C'est l'on the beat de Gainsbourg. Ton culte pour Serge t'honore. Ah bien, prenons notre pied à terre pour une île et laissons-nous glisser dans le confort tranquille. Oui bien, oui bien, oui bien, oui bien, oui bien. Jouissons ensemble de l'instant heureux où l'on sent culminer le plaisir d'être deux. Ah, Avian, Avian. Ce sont les Charlots qui invitaient en 1985 Mademoiselle Stouquette pour un festival de bons mots. Et Debbie Stouquette n'est autre que la formidable Nicole Croisille, une femme qui a toujours su parler à un homme. Comme un espoir. Alors maintenant, à 11h51, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade ? Eh bien, la presse, cette semaine, souligne combien les liens familiaux sont primordiaux. Et il y a tout d'abord cette étrange histoire que nous rapporte le journal en ligne polonais Pardon. En début de semaine, la police de Varsovie a reçu un appel désespéré d'un jeune homme, Łukasz Zapalowski, 22 ans, qui a déclaré être torturé. Bon, la police a aussitôt débarqué chez Łukasz, qui vit chez sa maman, laquelle a simplement expliqué aux policiers qu'elle a juste demandé à son fils de prendre un bain une fois par semaine et de ranger sa chambre. Merde, une vraie torture, quoi. Bon, c'est plutôt marrant, mais Łukasz risque tout de même quelques petits ennuis pour avoir inutilement déranger les policiers. Ça se fait pas. Oui, parce que la police n'a pas que ça à faire, quand même, être dérangée pour un oui ou pour un non. Tenez, Philippe, par exemple, le canard enchaîné de cette semaine nous rapporte un cas urgent qu'ont dû traiter les policiers. Ça s'est passé en 2007 sur le marché Dejean, dans le 18e arrondissement de Paris. Les agents sont intervenus pour verbaliser Lounis, un employé des messageries parisiennes de 50 ans qui se livrait. Vous n'allez pas me croire à la vente à la sauvette de l'Humanité Dimanche. Non. As du jamais vu des mecs qui vendent l'Humanité Dimanche comme ça sur les marchés. Lounis a écopé de 172 euros d'amende. Même. Ah bah oui, un vente sans autorisation. 172 euros. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Bon, le canard fait justement remarquer que la distribution gratuite de journaux dans les transports en commun, ça par contre, ça ne pose aucun problème. Bah non. On en fout partout, il n'y a pas de souci. Donc la liberté d'expression, d'accord, mais avec patente. Mm-hmm. Voilà, c'est merveilleux. Mm-hmm. Alors, sur la même page, le canard enchaîné nous explique que la police, parfois, est confrontée à l'obligation de protéger la liberté d'expression. Vendredi dernier, le 6 février, donc, devant l'Assemblée nationale, s'étaient réunis quelques nazillons pour commémorer les émeutes de février 1934. Ah oui. Oui, bon, là, c'était des gars très bien. Hein. Le crâne rasé, les rangers bien cirés, enfin, bon, tout ce qu'il faut pour se souvenir de ces émeutes fascisantes qui voulaient, en 1934, donc, renverser la République. 15 morts, 1500 blessés tout de même. Sauf que la manif de vendredi dernier se déroulait tranquillement quand une bagnole est passée avec 4 dangereux gauchistes. Bon, des républicains. Hein. Ils ont juste crié « salaud facho ». D'où intervention immédiate de la police en civil. Plus 2 voitures de police, ainsi qu'une 10aine d'agents et 2 camionnettes de la direction de l'ordre public. Ah bah oui, hein, fallait ça pour une fouille au corps et un contrôle d'identité. Des 4, c'est ça là ? Oui, oui. Les 4 républicains. Voilà, les 4 qui ont simplement crié « salauds, fachos, des fachos. Oui. Donc, bon, les 4 gugus ont pu repartir hein, sans problème, tout comme les petits fachos d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, vous le savez, Philippe, hein, c'est après ces émeutes de février 34 que le gouvernement d'Aladi a chuté. Et en octobre suivant, lors du congrès radical de Nantes, l'ancien président du conseil, Édouard Daladi, a balancé ce slogan « 200 familles sont maîtresses de l'économie française et en fait de la politique française mm-hmm. ». Voilà, donc sans transition aucune, cette semaine dans Paris Match, la Gazette élyséenne, propriété de la famille Lagardère, accessoirement marchand d'armes et patron de presse. Dans Paris Match, donc, on trouve 4 pages très glamour consacrées au mariage d'Olivier Dassault, fils de Serge, honorable famille, accessoirement marchand d'armes et patron de presse. Voilà, le mariage a eu lieu le 6 février dernier dans l'hôtel particulier des Dassault sur les Champs-Élysées. Rien à voir avec le 6 février 34. Non, aucun rapport. Les photos sont sublimes. Hein. Les photos sont sublimes. C'est dans un délicieux camaïeu de rose. Mmh. Olivier, en queue de pie, orné de médailles sur la poitrine. Il ne manque plus que le haut de forme. C'est magnifique comme photo. Il y a 17 photos d'ailleurs du mariage. Et moi, j'ai bien regardé qui était venu aux noces d'Olivier Dassault et de Natacha Nikolaïevitz. Eh bien, à ce mariage, il y avait un beau triangle d'affinité proportionnelle avec le patron du groupe Thalès, Denis Ranc, avec Bernard Arnault, mais aussi avec Vincent Bolloré, enfin le CAC 40, quoi, ils étaient là. L'intelligentsia était bien représentée. Ah. Et Alain Delon. Ah bah oui. Stéphane Bern. Ah oui. Ou encore Michel Larocque. Ah. Très ému Michel. Je crois qu'elle n'avait pas été aussi émue depuis sa participation à La Classe. Vous vous souvenez, avec Fabrice sur FR3. Voilà, l'élite industrielle et artistique réunie, c'est parfait. Mais au passage, on note la présence à ce mariage de quelques politiques. Bernadette Chirac, ah, c'est de la famille. Oui, c'est de la famille. Christine Albanel, ministre de la Culture. Hein, faut toujours être présent pour défendre les avant-gardes. Il y avait aussi François Baroin, député maire UMP de Troyes. Brice Hortefeux, ah bah, tiens. Complètement normal, il est ministre de la Famille. Christine Lagarde qui passait par la vue de la lumière, ah bah, elle est rentrée. Ah, oui. Il y avait aussi Rachida Dati, hein, pour vérifier que chacun gardait son indépendance. Pas de mélange des genres. Bon, Paris Match ne dit pas qui a participé à la danse des canards ou à la chenille, hein, ça c'est un mystère. Voilà, fini pour terminer. Juste un rappel, le journal Les Échos de vendredi nous annonçait que les dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 n'ont pas diminué. 54 milliards d'euros redistribués. Et Philippe, comme il ne me reste plus beaucoup de temps, je ne m'étends pas sur l'argent public donné aux grandes entreprises. Ce sont sans doute là des petites histoires de famille. Merci beaucoup, Monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 150e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités, revues et corrigées par la bande de furieux du Manche à Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archivoufoques et total foutraque, bien sûr. Alors, Panique au Manche à Palace, c'est une émission coécrite dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Merci aussi beaucoup à H2M, Henri-Marc Mutel, qui était assisté aujourd'hui d'Éric Morin à la technique, et de Michel Bézikian. Merci beaucoup à vous deux. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Marie Berthoumieux. Pour les scuds, Thierry Dupin. Pour les idées complémentaires, Olivier Lefayère et les formidables documentalistes de l'INA. Voilà, la journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son joyeux retour à la tête du Crumble. Voilà, on se retrouve donc, nous, le week-end prochain. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu. C'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.